Section 10 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 10. Les trois temps. Il y avait une fois une petite fille, elle n'était peut-être pas la seule, qui n'avait pas deux liards de tête. Elle ne prenait garde à rien de ce qu'elle faisait, ne savait plus rien de ce qu'elle avait fait, ne s'inquiétait de rien de ce qu'elle avait à faire. Allait-elle à la promenade, par exemple, elle s'éclaboussait partout, ne regardant jamais à ses pieds. Elle perdait tout, ne se souciant jamais de ce qui pouvait se passer derrière elle. Elle se heurtait à tout en ne regardant jamais non plus devant elle. Une fée qui l'aimait beaucoup lui donna trois petits amis chargés de l'accompagner en tout lieu. Le premier, qui marchait à ses côtés, la conduisait par la main. Le second, qui la suivait, ramassait ce qui traînait où elle avait passé. Le troisième, qui allait en avant, écartait les obstacles placés sur sa route. De cette façon, tout allait bien pour la petite fille. Et par reconnaissance, quand plus tard on imagina le verbe, elle y fit mettre ses trois petits amis qui y sont encore. Ce sont le présent, le passé et le futur. Je fais, j'ai fait et je ferai. On les appelle les temps du verbe. Ils ont trois petites femmes, ces trois petits amis. Ce sont l'attention, la mémoire et la prévoyance. Mets-toi bien ces trois choses-là dans la tête et tout ira bien pour toi. Mademoiselle Lily est très contente de connaître le présent, le passé et le futur. Elle se promet bien d'être à l'avenir pleine de respect pour eux et pour leurs trois petites femmes, l'attention, la mémoire et la prévoyance. Fin de la section 10, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.